une histoire particulière. À l'heure de la Coupe du Monde 2019, l'occasion était belle de faire renaître l'âge d'or du rugby français des années 60 à la fin du siècle dernier. Pour cela, hier, dans le premier épisode, Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck vous ont offert du pur bonheur en la personne d'un héros de l'Ovalie, Daniel Herrero. Son bandeau rouge, ceint autour du front, il est indissociable de l'esprit de solidarité et de combat, de jeu aussi, qu'incarnait ce sport. C'était un temps où le rugby était ce qu'il avait toujours été, un jeu pratiqué par des amateurs avant que le professionnalisme ne le dénature. Aujourd'hui, dans le second épisode, retour sur une bien triste réalité de ce sport de voyous joué par des gentlemen. Le nouveau style de jeu du Racing sur cette pelouse synthétique de l'EU Arena. Virimi Vakatawa qui vient s'empaler sur Ezeala et qui a sonné le jeune ailier de l'ASM. Aussitôt le coup de sifflet de Romain Poit, bienvenue pour arrêter le jeu. C'est au moment où la tête heurte le... C'est solide. Il y a la percussion d'abord et regardez, la tête, bon déjà là il y a un énorme choc et derrière la tête ici voilà. Boum, qui vient heurter la pelouse. Qui est dur sur du synthétique. Et dessous, bien sûr. Et cela, évidemment, nous amène à nous inquiéter. Et voir sur les images le gros contact, alors que les soigneurs prennent toutes les précautions nécessaires pour évacuer le joueur. Vie et petite mort du rugby français. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck. Deuxième partie. Le plaquage de trop. La stupeur à Aurillac, un jeune joueur de l'équipe de rugby est décédé hier soir après un choc lors d'un match amical. Louis Favjrovski, 21 ans, a été pris de vomissements avant de perdre connaissance. Alors ce décès est-il la conséquence directe de ce plaquage ? L'autopsie le dira. L'impact et les commotions cérébrales dans le rugby est en tout cas une préoccupation croissante. Il y avait eu des alertes, on avait dit attention, ce sport est dangereux, un jour il y aura des morts sur le terrain, c'est arrivé malheureusement. Jean Chazal, neurochirurgien. Depuis 2018, 4 morts, de niveaux différents d'ailleurs. Il y a un espoir amateur qui est mort d'une hémorragie cérébrale, un professionnel de Pro D2 qui est mort d'une commotion cardiaque, un espoir aux portes du professionnalisme qui a eu une rupture de la colonne cervicale au niveau de la deuxième vertèbre, et un universitaire qui est mort, lui, d'un traumatisme crânien. Ces morts sont en relation directe et certaine avec le choc, le traumatisme survenu en cours de match. Ce sont les instances qui essayent de mettre un petit peu la poussière sous le tapis, ou en tout cas qui essayent de minimiser les faits. Regardez la télévision le week-end, il y a pratiquement une commotion dans chaque match joué. Tu joues quel poste, toi ? Moi, je suis talonneur. C'est quoi, alors, les qualités d'un talonneur ? Déjà, il y a le lancer. Il va perdre le trouillard. C'est ton surnom ? C'est quoi ? Non. Il a peur. Toi, t'es amateur ? Ouais, moi, je suis amateur. Tu fais quoi à côté ? Je suis surveillant dans un collège. Et une autre question qu'on va aborder aussi par ailleurs, c'est celui des commotions et de la violence des chocs liés au physique des joueurs, qui s'est quand même en 20 ans professionnalisé, a beaucoup évolué. Comment tu vois ça, toi ? Déjà, les physiques ont augmenté, du coup les impacts sont quand même plus importants. Après, il faut voir aussi que souvent dans les écoles de rugby, on est très mal formé. Quand on voit tous les gros chocs qu'il y a, même à la télé, quand on voit les gros chocs qu'il y a, les mecs qui s'éteignent sur le terrain, mais forcément, si on met la tête mauvais côté et que le genou il finit directement dans la tempe, c'est une erreur technique. Hein. C'est tout simplement une erreur technique et je trouve qu'on n'apprend pas assez ça à l'école de rugby. On est plus sur de la passe, on fait du physique à partir de 14 ou 15 ans. Et toi, ça te fait peur des commotions, tout ça ? Tu y penses quand tu joues ou pas ? Non, parce que moi j'en ai déjà fait deux. Donc je sais ce que ça fait. Après, faut pas non plus faire l'idiot. J'ai été voir tout de suite un neurologue, j'ai passé des tests, j'ai été faire un scanner. Les mecs qui se disent « Ah, c'est pas grave, je me suis éteint, j'ai eu un peu mal à la tête, je vais prendre un Doliprane et demain c'est bon. » Ouais, il est vraiment là le danger. Et toi, t'as fait deux coups. Ouais. C'est survenu comment ? Sur des plaquages, pareil, un gars de 120 kg lancé avec 20 mètres d'élan en plein milieu de la face, tout de suite la lumière s'éteint. J'ai signé pour ça, je sais à quoi m'attendre. Je vois pas où est le problème. C'est bien ça, c'est bien. Organise frérot, organise. C'est ce que je te dis, moi dans ma carrière, j'ai connu 3 ou 4 joueurs qui sont morts, je dirais. Connu. Daniel Herrero. Dans ma carrière, je pense avoir vu presque à chaque match au moins un KO. Dans ma carrière de joueur, elle se situe dans les années 70. Le temps de jeu était, comme les hommes s'entraînaient peu, ils étaient amateurs, ils travaillaient tout. Ils s'entraînaient peu, le temps de jeu d'un gros match, mais disons un match international, entre 20 et 23 minutes de temps effectif sur le terrain. Aujourd'hui, on est 40, 45, 47 parfois, tu vois. On a passé le cap des 40. Bon, la transformation physique, de 95 à 2000, c'est la France a honte de ses physiques. On dit, putain, nous, on est maigres. Nous, Benazir, c'est un enfant malade, on dirait qu'on l'a trouvé dans la rue. Nous, on a des longs, on a des secs. Et donc, on va partir sur, si on s'entraîne beaucoup, si on fait beaucoup de musculation, pour les rejoindre. Et il y a eu une espèce de goulayant absolu des Golgothes. Grosso modo, aux alentours des années 2000, de 2000-2005, alors la référence, c'est le Golgoth. La transformation physique a transformé, évidemment, le contenu du jeu. Quoi. Moi, par exemple, dès ces temps-là, où les joueurs de l'équipe de France, un troisième ligne, type Jean-Pierre Ribes, il plaquait 15 fois lui. Mais c'était un immensissime plaqueur. Un petit plaqueur plaquait, même troisième ligne, les postes on plaque beaucoup, plaquait 3 à 4 fois par match. Aujourd'hui, ils sont à 25, à 28 plaquages. Et tous, les troisièmes lignes, les centres, les ouvreurs, tous. Le volume de jeu est énormément manqué. Et évidemment, dans l'augmentation exponentielle de trajectoire de collision, le potentiel de risque augmente. Il a triplé, quintuplé, décuplé. Oh putain, il a décuplé. La médiatisation fait que, évidemment, c'est devenu perceptible, au sens propre du terme, on le voit. Ça porte des lourdeurs émotionnelles, évidemment. Où on se rend bien compte que les chocs de tête, ou les chocs sur la tête, peuvent générer des troubles cérébraux. Oh putain, on commence à s'occuper d'un enfant qu'on avait oublié, qui était le cerveau. Dans le monde du rugby, c'était pas celui qui était le plus sollicité. Depuis 1995, c'est-à-dire depuis la professionnalisation, cette surmusculation des joueurs, c'est anormal. C'est-à-dire qu'on fabrique des hommes augmentés. Ça n'est plus l'homme homo sapiens, 1m80, 75 à 85 kilos. C'est 1m80, 100 kilos. Et cette prise de poids, c'est uniquement au profit des muscles. Alors que le châssis, lui, reste tel quel. Donc on met un moteur de 500 chevaux sur un châssis de 4L ou de 2 chevaux. C'est inquiétant parce que dans les écoles de rugby, on voit des adolescents de 14-15 ans qui pèsent déjà 100 kilos et qui mesurent déjà 1m90. Ça veut dire qu'ils ont pris des substances qui ne sont pas illicites, mais en trop forte quantité, par exemple la saponine. La saponine, ça stimule la sécrétion de stéroïdes et de testostérone. Il y a des flacons qui sont en vente libre, qui permettent à ces jeunes, ou même aux professionnels, d'augmenter leur masse musculaire. Ça donne une puissance à ces joueurs qui ne se posent plus de questions. Au lieu de passer par la porte laissée entrouverte par l'adversaire, ils traversent la cloison, ils sont tellement costauds. J'ai commencé à jouer au rugby quand j'avais 9 ans. Et c'est mon père qui a demandé un joueur, qui m'a un jour demandé à l'essayer. Il y avait vraiment une pression sur les épaules. Il m'a dit, tu veux essayer ce sport? J'en avais fait plusieurs avant. Il m'a dit, essaye ça, c'est sympa, tu verras, moi j'aime bien. Maxime Villalongue. Et du coup, j'ai commencé comme ça à 9 ans, le rugby. Et avec un joueur de chauffeuse, on est parti faire les détections au Stade français à l'époque. On est 14 ans, je crois. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on est rentré au rugby au Stade français. Et ensuite, je suis parti dans les filières fédérales. Donc en fédéral 2 à Gennevilliers. Et ensuite, en fédéral 2 à Orsay, pendant un an. Fédéral 2, c'est l'équivalent de la 4e division, c'est exactement, ça ouais. Il y a deux divisions pro qui sont top 14 et pro D2. Et ensuite, fédéral 1 et fédéral 2. Donc première division amateur et seconde division amateur. Et la seconde année, c'est là que j'ai eu mon accident. C'était en février 2017, on jouait contre Suresnes au Mont-Valérien et Corset. Et en fait, pendant une phase de jeu en ruck, j'ai pris un coup de genou assez rapide derrière la tête, au niveau du cervelet. Et il se trouve que ce coup de genou a occasionné une mini-lésion qui s'est ouverte, une lésion dans le cervelet. Et le sang s'est écoulé. Il y a un hématome qui se forme. Mais à l'intérieur du cerveau, donc c'est une hémorragie. Et donc, au bout d'une demi-heure, le sang avait pris la place totale à l'intérieur du cerveau. Et ce qui fait que là, la pression est devenue insoutenable. J'étais encore sur le terrain et seul, sans phase de jeu, j'ai eu des envies de vomir et je pouvais plus presque plus bouger. Donc je suis sorti tout seul et puis là j'ai commencé à ne plus pouvoir parler, à vomir. Le match s'est arrêté et c'est comme ça que c'est arrivé en fait. Et puis je dirais les coachs, les formateurs, les préparateurs physiques, les présidents. J'ai parlé, moi, avec tous ces gens-là. Ils me disent, mais finalement, alors qu'est-ce qui se passe d'une commotion? Alors moi, je vais vous l'expliquer très simplement. C'est un mouvement d'accélération-décélération. Le cerveau subit un ébranlement, un peu comme un fromage blanc dans une boîte rigide en plastique qu'on secoue. Le cerveau est secoué. Il y a une onde de choc qui pénètre à l'intérieur du cerveau. Soit elle reste en surface et ça fait peu de dégâts, mais il y a quand même on est un petit peu sonné, on marche plus très droit, on est un peu désorienté quelques minutes, même simplement quelques secondes, ou cette onde de choc va très loin dans le cerveau, jusqu'à sa profondeur, jusque dans les zones les plus sophistiquées. Et à ce moment-là, on dit qu'il y a une perturbation du trafic neuronal dont on ne peut pas mesurer la durée au départ. Ça peut être très transitoire et ça peut être permanent, voire définitif. Parce que il y a une cascade de réactions neurobiologiques à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que les membranes se dépolarisent. Il y a des mouvements d'ions, sodium, potassium, calcium qui permettent le passage du courant électrique qui se font, qui sont réversibles ou irréversibles. Il y a une sécrétion de protéines anormales. Et au bout du compte, on est incapable de prévoir quelle sera la durée des signes, d'une part, immédiatement après la commotion, et quelles seront les séquelles prévisibles. Alors, vous voyez, c'est un problème d'une extrême complexité qui est méconnu de beaucoup. Et la réalité, c'est qu'en effet, ces blessures sont des blessures qui sont invisibles. Donc, c'est difficile à en parler, à que ça soit entendu par les coachs et par tout l'encadrement d'un SAF. Quand on sait qu'il y a énormément de pression financière sur les clubs aujourd'hui, les clubs pro, hein, sur le plan amateur, mais en pro. Du coup, les joueurs eux-mêmes, je pense, n'ont pas encore tous conscience de la gravité que peut occasionner une commotion. Quand on est dans le stress de la compétition, dans la pression de cette compétition, le top 14, c'est une compétition avec beaucoup de pression, on n'aime pas que nos plans soient contrariés. Adrien Bononato, entraîneur de l'équipe professionnelle d'Oyonnax, 2018. Par exemple, je l'ai la scène où on est par exemple sur une séquence, on est en train de défendre, on a besoin des 15 joueurs pour défendre, et on a un joueur qui est au sol et on demande au médecin, faut que tu me le relèves, faut qu'on soit 15 à ce moment-là, faut que tu me le relèves. Au lieu de dire, va vite voir ce qu'il a, attention, il y a un problème, il y a un danger. Nous, notre premier réflexe, c'est d'avoir tous nos joueurs sur leurs pieds pour défendre. Donc, dès que le match commence, on n'est plus du tout dans cette logique de protection. Alors, je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis. On a basculé du sport amateur au sport professionnel. Il y a une hyper-médiatisation du rugby. Il faut gagner à tout prix. Or, les joueurs se blessent de plus en plus. Les contrats professionnels sont de plus en plus nombreux dans tous les clubs, parce que quand il y a beaucoup de blessés, il faut beaucoup de remplaçants. Ces remplaçants, il faut les payer. Il y a donc des enjeux financiers. C'est le sport business, d'une certaine façon. Nous, on est un club de fédéral 1 maintenant, mais on était fédéral 1 la saison dernière. On monte parce qu'on fait une saison extraordinaire et puis que voilà, le groupe fonctionne. Benjamin Perrier, président du rugby club de Drancy. On n'avait vraiment aucunement l'intention de monter en fédéral 1. C'était pas du tout prévu. Donc on est monté, et on est monté avec nos moyens et puis on vit une aventure. Et voilà. Le monde professionnel, alors, ça vous attire, Drancy? Pas du tout, non. Moi, en tout cas, en tant que président, là, aujourd'hui, je vous dis non. Je ne veux même pas y accéder, ça ne m'intéresse pas. Bon, le top 14, personnellement, je ne le regarde plus depuis déjà un petit moment. Ça m'ennuie. C'est du défi physique 90% du temps. Et Et le feeling du rugby, le, ce qu'on appelait le French flair, ces choses-là, on les voit très rarement. Et je pense qu'on perd notre âme. Pour lifter, pour lancer, on s'engage dans ce qu'on fait. Et vous allez voir que tout va devenir simple. On arrête avec les hésitations. Ok ? Nous, on a inventé la passe en arrière pour une seule idée. Quand tu passes en arrière, tu vois pas les mecs à qui tu passes, quand même. C'est la loi 1 du jeu de rugby. C'est parce que quand t'as le ballon, les 14 autres sont toujours derrière toi, toujours, toujours, toujours. Le mot sacré du rugbyman, c'est soutien. Je te suis dessous et je te tiens. Il faut faire en sorte que ce soit la balle qui continue à vivre, que ce soit l'alternance entre le défi et la construction qui soit l'âme du jeu, et non pas à l'exclusive de la destruction. D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période, puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match? Oui, mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va préparer les technico-tactiques, là, on va les destruncher, puis voilà. Il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse perte. On nous dit c'est un sport de combat, d'accord. Mais les sports de combat, on les connaît. C'est la boxe, c'est le judo, c'est etc. Bon, mais les joueurs qui s'affrontent ont le même gabarit. Il y a un arbitre, on arrête le match quand il y a une commotion ou quand il y a une blessure. Et puis à la boxe, par exemple, eh ben, on interdit le jeu pendant 3 mois ou pendant 1 an ou définitivement. Et puis c'est 1 contre 1. Et puis on a appris ce combat, à esquiver, etc. Le combat, c'est une esquive. Au rugby, vous pouvez avoir le dos tourné, il y a 2 joueurs qui vous tombent dessus à 30 ou 35 km heure, qui vous brisent la colonne cervicale ou la colonne lombaire, vous pouvez pas esquiver puisque vous ne les voyez pas. Et en plus, ils sont d'un gabarit différent. Il peut y avoir jusqu'à 50 kilos de différence. C'est plus un sport de combat. Ou alors c'est un sport de combat sans règles et sans préparation à ce sport de combat. C'est ça qui va pas. Alors les solutions, elles sont là. Il faut revoir les règles du rugby, il faut revoir les gabarits, il faut mettre le nez dans le dossier médical des joueurs en disant mais vous avez pris 15 kilos de muscles, 20 kilos de muscles en 2 ans, comment se fait-il? Quelles sont les prescriptions? Qui vous a prescrit ça? Il y a un contact, il va y avoir un choc, ici peut-être voilà, la tête qui vient heurter le genou, ouais, il tombe sur le genou de Vandermeer. Florian Fritz, il y donne son sang au stade toulousain, il sort toujours sanguinolent, il se bat, il se bataille, il se bagarre, et aujourd'hui plus que jamais cette image de ce début de match, et il est sonné évidemment, il refuse les soins du kiné toulousain et du docteur. Oui, il est complètement groggy, Florian Fritz, le guerrier toulousain. Et le public qui se lève. Hein. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir, il s'assoit sur le sol. Il a évidemment un peu perdu ses esprits dans le terrible choc contre le genou de Vandermeer. Il aura donné son sang pour le stade toulousain. Le danger, c'était que l'hématome, l'hémorragie continue de grossir, que le sang coule. Donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'ils allaient opérer, c'est-à-dire ouvrir une partie du crâne pour désengorger le cervelet, ou alors poser juste un drain qui permettrait à la pression de s'évacuer. Donc j'ai eu un drain posé, la pression s'est évacuée et doucement baissée. Ça, c'était le dimanche soir après le match. Mais j'ai toujours mon pronostic vital engagé pendant 2 ou 3 jours, parce qu'on ne savait pas comment allait réagir à la blessure. Du coup, suite à ça, ça a été un mois d'hôpital en soins intensifs et en réanimation. J'étais alité du coup pendant 3 semaines, donc je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler. Ensuite, je suis parti au bout d'un mois en rééducation, en centre, où là, comme un enfant, j'ai dû apprendre à marcher, parler, me servir de mes mains, tenir une tasse, c'est difficile. C'est mon père qui me lavait les dents, j'en souviens. Du coup, j'ai fait 8 mois de rééducation. Et après, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Essayez. À mon sens, le vrai risque que peut avoir le rugby, c'est d'être un petit peu comme le football américain, c'est-à-dire un sport médiatisé, mais avec une base de licenciés faible. Florian Grill, président de la Ligue Île-de-France du rugby. En 3 ans, la baisse des licenciés dans les écoles de rugby, c'est 24%. C'est lié à quoi, cette baisse de nombre de licenciés? C'est lié à un ensemble, l'absence de travail suffisant, à mon sens, dans le monde scolaire, alors que le rugby est né à l'école et donc il y a plus que toute sa place. Les résultats de l'équipe de France qui n'ont pas été très satisfaisants sur la période, les accidents qui ont eu lieu dans le rugby, dramatiques, et qui forcément ont frappé les imaginations. Comment on arrive à régler ça? Si on change les règles, on a du temps, non pas de la gouvernance de l'actuel président de la Fédé, mais de son prédécesseur. Il y avait dans le rugby pas mal d'accidentologie liée à la mêlée. Il y avait de l'élan, entre guillemets, dans les entrées en mêlée. Et donc, il y avait le risque de problèmes cervicaux majeurs qui pouvaient conduire à des tétraplégies. Et donc, l'entrée en mêlée a été complètement régulée et complètement réorganisée. La mêlée existe toujours dans le rugby. Et en changeant les règles, on a pratiquement supprimé les grands blessés dans le rugby liés à... notamment cette phase d'entrée en mêlée qui était à risque. C'est un match de rugby presque ordinaire. Ce soir-là, l'équipe d'étudiants en médecine de Toulouse s'apprête à batailler contre des étudiants ingénieurs. 10 minutes avant la rencontre, l'arbitre explique aux deux capitaines une des nouvelles règles de plaquage expérimentées en championnat universitaire. On peut venir plaquer ici. En fait, c'est pas haut, c'est pas une grosse faute. Mais je vais la sanctionner parce qu'on demande ce que ce soit vraiment du plaquage à la taille. Depuis janvier, sur tous les terrains des campus toulousains, les plaquages au-dessus de la taille sont proscrits et un seul joueur est autorisé à venir plaquer le porteur du ballon. Une mini-révolution pour ces rugbymen, pour la plupart formés en club, qui doivent parfois lutter contre d'anciens réflexes. Moi, ma vie entière, joueur, mon père, sur le bord de touche, on m'aurait dit « Daniel, aux jambes !» Il hurlait aux jambes « Interviens sur les guibolles, tu le feras tomber !» Ou alors « Fais tomber !» Donc plaque aux jambes, intervient dans le segment moteur qui fera chuter le mec. Maintenant, non. Maintenant, le plaquage aux jambes, il vaut 3 sur 20. C'est quoi mon plaquage alors? Mon plaquage, c'est un plaquage où tu arrêtes le mec. Il n'avance plus. Où tu lui empêches de donner la balle. Tu le bloques au haut. Ça, c'est 12 à 15 sur 20. C'est-à-dire, ça devient un très bon plaquage. Tu l'arrêtes, il ne peut plus donner. Tu le coffres. Et ensuite, tu le répulses. Ça, c'est 17 sur 20. Tu l'amènes chez lui. Tu vois? Tu inverses les timings. Et ensuite, tu lui fauches la balle. Tu lui arraches la balle. 20 sur 20. Si on régule les règles, c'est pour ça que cette règle d'abaissement de la ligne de plaquage me paraît intéressante, parce qu'elle libère les bras, elle change les physiques, elle va permettre d'avoir des gens qui sont plus dans le mouvement et un peu moins dans la nécessité de se protéger physiquement. Parce qu'à partir du moment où on a toléré un plaquage qui est progressivement remonté, pour se protéger, il a fallu que les joueurs musclent le haut du corps. Ça a eu l'effet d'un rugby moins de mouvement et d'un rugby plus rentre-dedans. Et donc, à partir du moment où on va réabaisser la ligne de plaquage, on peut espérer qu'il y ait plus de passes, plus d'évitements. Et donc, le jeu se fonde plus sur la vitesse de passe et moins sur la résistance physique à un choc. Donc c'est une règle dont il faudrait discuter avec World Rugby et pas simplement au niveau amateur français. Toi, tu avais déjà eu d'autres commotions avant? Oui. Un an avant, commotion, et qui, elle, avait occasionné une perte de connaissance au moment. Du coup, j'ai été arrêté pendant un mois, j'ai eu un neurologue suite à ça. Parce que, à l'époque, j'avais perdu connaissance sur le terrain et j'avais fait une petite crise d'épilepsie. Mais il y a un protocole qui est mis en place, c'est-à-dire que quand on a une commotion, moi, le neurologue, on a arrêté en 3 semaines, on fait des tests ou 3 semaines qui vont permettre ou non de reprendre le rugby. J'ai fait tous les tests à l'époque qui me donnaient les feux verts pour reprendre le rugby sans condition. Moi, je ne fais plus de neurochirurgie depuis un an. Et quand j'étais dans le vestiaire de l'ASM après chacun des matchs, ils venaient me voir, ils me parlaient d'eux, ils se confiaient à moi et j'ai perçu chez tous, pratiquement sans exception, une certaine angoisse. En se disant, une certaine fatalité, en disant, mais bon, finalement, je gagne très bien ma vie, j'en ai plus que pour 3 ans, je vais essayer de jouer le jeu et j'espère passer à travers les gouttes. Mais beaucoup sont inquiets parce que c'est un jeu après tout. Moi, je pratiquais un jeu sur un terrain pour mourir ou pour se trouver avec une maladie semblable à celle à la maladie d'Alzheimer, c'est terrible. Ça ne peut qu'inquiéter. Il y a eu un virage aux États-Unis. Il s'est passé en 2013. En 2013, il y a une publication par l'école de Boston, qui est un peu la mecque des neurosciences, qui a dit, voilà, on a fait l'autopsie de 64 ou 67 cerveaux de joueurs décédés, ayant pratiqué le football américain, ayant subi des commotions à répétition. Eh bien, on a trouvé, et c'est terrifiant, 80% de signes identiques à ce qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, ces gens étaient décédés précocement, entre 40 et 50 ans. Certains s'étaient suicidés parce qu'ils allaient mal. C'est terrifiant. Alors moi, je pense que dans le rugby, si on se reprend pas, et très vite, on va avoir des bombes à retardement judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire, mais attendez, on est prévenu, on sait que la commotion, c'est dangereux, que ça peut entraîner des maladies dégénératives, on m'a fait rejouer, ou on a mis dans le fond de mon dossier l'IRM qui n'était pas tout à fait normal, et je dépose une plainte. Bon, et ça fera comme l'amiante. L'amiante, personne n'a été condamné tant qu'on ne savait pas que l'amiante était dangereuse. Et aujourd'hui, cet accident, qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie? Comment tu vois les choses aujourd'hui, avant et après? J'imagine qu'il y a un avant et un après. Et là, je suis un peu dans une période de transition, parce que j'étais étudiant à l'époque, je faisais une licence. J'ai dû arrêter cette licence suite à mon accident. Je vais continuer en master après ça. J'ai réussi à rentrer en master que j'ai dû arrêter suite à mes séquelles d'attention, de coordination, tout ça. Je suis parti à l'étranger, essayer de me reconstruire tout seul. Je suis revenu il y a plus de temps. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est que les séquelles que j'ai eues m'empêchent de faire le métier. Et là, du coup, je suis dans une période où je me pose des questions, savoir qu'est-ce que c'est plus la question, c'est plus savoir ce que je veux faire, ce qui me plaît, savoir qu'est-ce que je peux faire. J'ai tenté de faire un CAP de charpentier pour m'orienter vers des métiers manuels, mais j'ai pas pu les faire à cause de mes problèmes. Donc là, on arrive à 3 ans, et là aujourd'hui, le fait est que je suis reconnaissant d'être en vie, de pouvoir encore vivre, voir des amis et tout. Mais j'ai beaucoup de séquelles qui font qu'il faut que je m'habitue, et je ne suis pas encore tout à fait prêt dans ma tête pour faire autre chose et voir qu'est-ce qui pourra me plaire avec mes capacités actuelles. De ce sport, si on veut le sauver, si on veut l'aider à nous faire rêver à nouveau, il faut mettre tout à plat. Et peut-être que je vais dire quelque chose d'un peu terrible. Je crois que les joueurs, eux, se sont professionnalisés. Mais les dirigeants, ils se sont pas professionnalisés, eux. Ils lisent pas. Ils connaissent pas les données scientifiques de la commotion cérébrale, du traumatisme. Alors ils disent, si, j'ai bien compris, mais je suis pas sûr qu'ils aient parfaitement compris. Plaquage de trop, fin de la deuxième partie, avec Daniel Herrero, Florian Grill, Jean Chazal, Maxime Villalongue, Sabri et Benjamin Perrier. Attaché de production, Daphné Abgral, avec la collaboration de Suzanne Saint-Cast. Archivina, Denis Forger. Prise de son, Romain Luquiens. Coordination, Christine Bernard. Merci au Rugby Club de Drancy. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il y a 30 ans, le 9 novembre, c'était la chute du mur de la honte. Mais c'est une autre histoire.